sais pas où j'en suis aujourd'hui. Je sens que c'est ma chance, si j'y vais sans attendre, je pourrais tuer mes soucis. J'ai quitté la maison pour le charbon, j'ai tué la galère. Je me suis tué un peu aussi. On brave les vents, les froids, les pays, les fonds des marais. On brave les feux, la haine de ceux qui sont égarés. On se connaît peu, on connaît mieux les fonds de nos rues. Y'a pas plus vrai que les rires des coins délabrés. Trop maladroit si un jour je t'aimais trop. Quand je mets le destin à la bourre dans mes âneries. Voir tout s'effondrer, ça va vite, tu réalises pas. Vois-tu tout ce que tu peux avant que tes cheveux soient gris. Oh maman, oh girl. Les filles avaient raison, le pouvoir nous divise. Oh poser des questions, comment réussir ma vie. Oh God, mon père avait raison, les moments qu'on regarde. Oh Baba, ma mère avait raison, fallait que je rentre à la maison. Rentre à la maison, dehors c'est dangereux, mais je suis l'homme de la maison. Peu de chance que ça nous mène au paradis, peu de chance qu'on se quitte Dieu. Toutes les étoiles dans le ciel, l'univers est si vaste, je me perds dans sa grandeur. On se faire de l'espèce, l'obscur est si vaste. Je me perds dans sa noirceur. Ça y est, tu reviens maintenant qu'on brille. Mais je suis seul dans mes douleurs, c'est pendant qu'on crie. J'ai pris gros, j'ai perdu gros, j'ai gros sur le cœur. Quand l'appétit dicte l'humeur, suffit de montrer le cœur et les tripes. Y'a des gens qui regardent les cris, enfoiré, confin, on a pris le 15, enfoiré. J'oublie pas d'où je suis, ni d'où je viens, enfoiré. N'oublie pas de qui je tiens, enfoiré. J'suis mon rep, enfoiré. Oh, God. Les filles avaient raison, le pouvoir nous divise. Oh, maman. Je me posais des questions, comment réussir ma vie. Oh, God. Mon père avait raison, les moments t'ont